J'ai vu, ces jours passés, une chose hideuse. Un monsieur, brodé en argent, qu'on appelait monsieur l'inspecteur, donna un ordre au directeur de la prison. Et un moment après, voilà que deux ou trois portes basses vomirent presque en même temps et comme par bouffée dans la cour, des nuées d'hommes hideux, hurlants et déguenillés. C'étaient les forçats. À mesure qu'ils arrivaient, on les poussait, entre deux et des gardes-chourmes, dans la petite cour grillée, où la visite des médecins les attendait. C'est là que tous tentaient un dernier effort pour éviter le voyage, alléguant quelques excuses de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée. Mais presque toujours, on les trouvait bons pour le bagne. Et alors, chacun se résignait avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. La grille de la petite cour se rouvrit. Quand il y en eut à peu près une trentaine de sorties, on referma la grille. Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena à l'autre coin du préau où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes chaînes coupées transversalement de deux en deux par d'autres chaînes plus courtes, à l'extrémité desquelles se rattache un carcan carré qui s'ouvre au moyen d'une charnière pratiquée à l'un des angles et se ferme à l'angle opposé par un boulon de fer rivé pour tout le voyage sur le cou du galérien. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d'un poisson. On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers. Puis, deux forgerons de la chourme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau, asséné sur l'enclume appuyée à leur dos, fit rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne, comme une coquille de noix. Après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes et par intervalles un cri et le bruit sourd du bâton des gardes-chourmes sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent. Les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leur cadre de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers, après la visite des geôliers, le ferrage. Trois actes à ce spectacle. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes-chourmes rompirent la danse des forçats à coups de bâton et les conduisirent à ce baquet dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive, que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et leur rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombé, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis, tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. « Le condamné ! Le condamné !» crièrent-ils tous en me montrant du doigt. Et les explosions de joie redoublèrent. Je restais pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnu. « Bonjour, bonsoir !» me crièrent-ils, avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux, il sera rogné. Adieu, camarade !» Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade, en effet. La grève et sœur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur. Je frissonnais. Je poussais un second cri d'angoisse et je tombais évanoui.